Quel est le point commun entre une colonie de fourmis qui construit une fourmilière, des cellules biologiques qui forment un squelette cellulaire ou les supporters d'un stade qui font une hola ? Tous ces systèmes sont considérés comme des systèmes complexes, au même titre qu'un banc de poissons ou une nuée d'oiseaux, soit un système sans coordination centrale qui mène spontanément à l'émergence d'une structure complexe stable. Comment étudier ces systèmes qui empruntent autant à l'éthologie, à la sociologie, à la physique statistique qu'à l'algorithmique et au machine learning ? C'est tout l'enjeu de ce carrefour métadisciplinaire. Système complexe, un petit poisson, un petit oiseau, c'est le programme auto-organisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre donc à ces systèmes aussi divers, comme je vous le disais, qu'une nuée d'oiseaux, un développement tumoral, une foule compacte et in fine, pourquoi pas, le système Terre dans sa globalité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui José Allois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique, physicien au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'Université de Paris. Et vous serez rejoint dans quelques instants par Pablo Jensen qui est avec nous et qui sera avec nous en duplex du bureau de Radio France à Lyon, qui est chercheur CNRS au laboratoire de physique de l'École Normale supérieure de Lyon et ex-directeur de l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes. Mais pour commencer, elle est là chaque jour, et bien précisément pour déchiffrer la complexité de l'actualité scientifique. C'était facile, mais c'était inévitable. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la découverte d'une nouvelle arme contre le diabète dans notre microbiote. Et voici une nouvelle preuve du pouvoir insoupçonné de nos bactéries intestinales. On doit cette découverte à une équipe INSERM qui vient de publier ses résultats dans la revue Cell Reports. Dans un premier temps, les chercheurs ont d'abord analysé et comparé les échantillons sanguins de 137 patients diabétiques et non diabétiques. L'objectif était d'identifier des métabolites qui peuvent être associés au développement de la maladie. Ils ont découvert que les patients diabétiques possèdent moins de métabolites 4-crésol, un composé organique produit par la flore intestinale. Dans un second temps, ils ont administré, par transfert de flore, du 4-crésol à des souris diabétiques et à des rats obèses. Les résultats sont particulièrement encourageants et ouvrent de nouvelles pistes thérapeutiques. Dominique Gaugier est chercheur INSERM et professeur associé à l'université de Kyoto au Japon et à l'université McGill à Montréal. Il est le principal auteur de cette étude. On a découvert un effet vraiment spectaculaire du crésol à faible concentration sur la réduction de l'obésité, une réduction de la stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de gras dans le foie, et une réduction de l'hyperglycémie, donc qui est une des caractéristiques principales du diabète de type 1 et de type 2. Et l'effet le plus spectaculaire et le plus massif était une augmentation de la sécrétion d'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui a pour fonction de diminuer l'hyperglycémie. Et une augmentation massive aussi de la prolifération des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline et qui sont déficientes dans les diabètes de type 1 et le diabète de type 2. Donc vraiment, l'effet le plus spectaculaire du crésol, c'était la stimulation de la sécrétion d'insuline et la prolifération des cellules bêta du pancréas. Un des problèmes majeurs en diabétologie, c'est comment stimuler la sécrétion d'insuline et réduire le déficit des cellules bêta pancréatiques chez les patients. Donc là, on a potentiellement une cible thérapeutique qui permet d'améliorer la sécrétion d'insuline et la prolifération des cellules bêta. Le deuxième point, c'est que c'est un produit de la flore intestinale. Donc on pourrait manipuler la flore intestinale de manière à favoriser la croissance des bactéries qui produisent le crésol dans la flore intestinale de patients diabétiques. Donc il y a potentiellement un rôle thérapeutique important pour moduler la flore intestinale au lieu de traiter des patients avec des chirurgies lourdes, chirurgie de l'estomac par exemple, ou des traitements longs, hyperglycémie. Voilà, et vous pouvez retrouver, hein, comme tous les jours, le lien vers cette étude publiée dans Cell Reports, lien que nous vous postons sur le fil de l'émission At la méthode FC, que vous pourrez retrouver tout à l'heure sur le site de l'émission, cette fois-ci sur franceculture.fr. On passe au bref. Dans The Astrophysical Journal, une équipe chinoise a pour la première fois détecté des molécules d'oxygène en dehors de notre galaxie. On pensait que des molécules d'oxygène seraient plus abondantes dans l'espace, mais nous en avons détecté que deux fois et seulement dans notre Voie lactée. Les chercheurs de l'Observatoire astronomique de Shanghai, en Chine, en ont découvert la trace dans une galaxie à 580 millions d'années-lumière de nous, Mark Ariane 231. Cette galaxie génère de grandes quantités d'énergie, car elle abrite un quasar et possède deux trous noirs supermassifs en son centre. En utilisant la spectroscopie et l'observation millimétrique pour détecter les longueurs d'ondes radio émises par les molécules, ils ont repéré la signature spectrale de l'oxygène. Selon les auteurs, ce serait l'interaction de l'écoulement moléculaire entraîné par le noyau galactique actif avec les nuages moléculaires du disque externe qui aurait permis la formation de ces molécules d'oxygène. La revue Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research décrit le premier cas de parthénogenèse chez les coccinelles. Parthénogenèse, c'est la capacité de s'auto-féconder. C'est commun dans le règne végétal, mais plus rare dans le règne animal. Jusqu'à présent, les coccinelles étaient strictement sexuées. Une équipe franco-portugaise a fait la découverte sur l'île de la Réunion d'une espèce de coccinelle exclusivement composée de femelles. Leurs œufs, non fertilisés, donnent naissance à une lignée de femelles. Selon ce papier, cela serait le fruit d'un remaniement chromosomique et ou d'une bactérie, la Wolbachia, capable d'induire la parthénogenèse. Et enfin, c'est une prépublication sur le site BioArchive. Des sauterelles cyborgs ont été conçues pour détecter les explosifs. Et les sauterelles possèdent des antennes dotées de 50 000 neurones olfactifs qui détectent les odeurs chimiques. Ces neurones envoient ensuite des signaux électriques au cerveau dans le lobe antennaire. Une équipe américaine a implanté des électrodes dans les lobes antennaires des insectes, puis ils ont vaporisé sur eux des vapeurs de matériaux explosifs, de TNT ou de DNT. Ils ont découvert que chaque substance avait une signature électrique neuronale. Ils ont ensuite équipé ces sauterelles avec de minuscules sacs à dos de capteurs pour identifier l'activité électrique des neurones et pour transmettre ces signaux par radio à un ordinateur. Les insectes ont ensuite été testés et fixés sur des roulettes télécommandées. La prépublication parle d'une précision de détection de produits explosifs à 80%. C'est bien le journal des sciences et pas le journal de la science-fiction. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Que celle ou celui d'entre vous qui ne s'est jamais laissé hypnotiser par une nuée de passereaux ou par les mouvements coordonnés d'un banc de poissons me jette la première pierre. Elle est tenue d'ailleurs, malgré la radio et malgré l'absence d'image. Prenez quelques instants, fermez les yeux. Au coucher du soleil, le ciel s'emplit d'un million d'étourneaux. Il se livre à un somptueux ballet aérien. Pourquoi et comment ces oiseaux réalisent ces figures de haute voltige reste un mystère. Enfin, tous ensemble, ils bravent le danger et envahissent les branches de leurs arbres préférés. Voilà, je suis sûr que vous y étiez un peu. C'est un extrait du documentaire Planète Terre, les villes, réalisé par Justine Anderson, qui était diffusé sur France 5. Alors, malgré l'absence d'image, voilà, ces nuées, ces bancs, mais aussi ces colonies d'insectes, ces troupeaux d'ongulés ou ces mouvements de foule, tous ces systèmes ont en commun d'adopter une organisation collective sans la moindre décision centrale. Et ce qui est vrai à l'échelle macroscopique l'est aussi à l'échelle microscopique. Tout ceci a donc été regroupé sous l'appellation système complexe. C'est ce dont nous allons parler tout au long de cette heure. Et j'en profite pour saluer Pablo Jensen qui nous a rejoint et qui est avec nous en duplex du bureau de Radio France à Lyon. Bonjour Pablo Jensen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être un mot pour commencer, puisque ce sont des systèmes, et tout ce que je viens de décrire sont des systèmes extraordinairement différents. À partir de quand a-t-on commencé à formaliser le fait que ces systèmes avaient quelque chose, une organisation, une structure commune qui pouvait donner lieu à des études scientifiques ? José Alloy, pour commencer. Bon, on va pas refaire la préhistoire des systèmes complexes, mais on peut remonter à un moment clé qui est, le moment clé que je formulerai, c'est 1972, le physicien Philip Anderson, qui est prix Nobel de physique pour la physique du solide, il est prix Nobel en 77, la même année d'ailleurs qu'il y a Prigogine, qui est prix Nobel de chimie pour les systèmes hors d'équilibre et les structures dissipatives, et il y a un lien entre les deux, puisque les systèmes complexes vont être des systèmes essentiellement hors d'équilibre thermodynamique. Et ce que formule Anderson, c'est un plaidoyer pour l'émergence, et le titre de son article dans le journal Science, c'est « More is different », mm-hmm. « Plus, c'est différent ». Et là, il essaye d'argumenter contre une certaine vue de la physique fondamentale qui disent que, à la Weinberg, Steven Weinberg, qui dit toutes les flèches pointent vers le bas, c'est-à-dire que c'est les lois fondamentales de la physique qui vont expliquer tout le reste. Anderson milite pour dire non, parce que, en fait, il y a une sorte de hiérarchie qui s'établit dans les systèmes où la couche du dessus dépend de la couche d'en dessous, mais il y a une forme de découplage et donc il y a une légitimité à d'autres formes de sciences qui apparaissent. La chimie, par exemple, évidemment qu'elle dépend de la physique, mais il y a une forme de découplage qui permet aux chimistes d'avoir une sorte d'autonomie dans leur science. La biologie, c'est une forme de physico-chimie, mais il y a des nouvelles structures qui apparaissent, qui donnent une légitimité aux biologistes d'avoir un découplage par rapport à la physique et à la chimie, et à poser d'autres questions. Et puis, on passe au cerveau, à l'humanité, etc. Donc ça, c'était un point crucial de se dire que toute une série de systèmes produisent des phénomènes émergents. Bon, on pourra discuter comment, pourquoi. Évidemment. Et que ce découplage est intéressant parce que c'est pas magique, c'est-à-dire effectivement la couche du dessus dépend de ce qui se passe en dessous, mais parfois il y a une autonomie très grande qui s'établit, c'est-à-dire on a du mal à expliquer complètement la couche du dessus par ce qui se passe en dessous, alors que c'est un des objets de la physique statistique. La physique statistique veut expliquer la thermodynamique classique en partant du mouvement moléculaire, atomique, etc. Mais il y a quand même un découplage qui se fait et donc il y a une certaine autonomie. Et donc une certaine richesse dans cette hiérarchie de phénomènes de plus en plus compliqués, puisqu'on peut regarder le cerveau humain comme quelque chose de très compliqué, par exemple. À partir de là, il va y avoir, fin des années 70, début des années 80, une formulation d'un espoir face à ce qui est compliqué. C'est justement le système complexe. Pablo Jensen, pour vous, à quand remontent ces travaux dans l'histoire des sciences? Et puis, pourquoi surtout, et quel est le moment où on commence évidemment à envisager ces différents systèmes comme des systèmes que l'on peut approcher par la physique statistique et par d'autres formes de disciplines, d'ailleurs, à travers une grande interdisciplinarité, comme des mécaniques similaires ou en tout cas des formes scientifiques que l'on peut aborder par le même prisme? Alors, ce que disait José Alloy est vrai, c'est-à-dire il y a une filiation qu'on peut faire remonter à Anderson et à cette physique statistique. Avant ça, c'est important quand même aussi de se référer à la cybernétique, qui a été une tentative au sortir de la Deuxième Guerre mondiale de créer une sorte de science universelle de ces phénomènes complexes, puisque dans un des articles fondateurs, disons, Warren Weaver voulait expliquer des choses aussi différentes que le fonctionnement de l'économie, pourquoi certaines fleurs s'ouvrent le soir et pas au jour comme on pourrait l'imaginer. Voilà, il voulait mettre sous la bannière une sorte de méta-science qui serait la cybernétique, une science universelle, essayer de répondre à toutes ces questions, y compris une des plus fondamentales qui était l'émergence de la pensée dans le cerveau à partir des neurones individuels et de leurs interactions. Donc, il y a une sorte de volonté de puissance, si on peut parler ainsi, d'une cybernétique qu'on retrouve dans beaucoup d'approches des systèmes complexes, cette volonté d'universalité dont il faudra évidemment discuter. Et plus près de nous, dans les années 90, en fait 93, c'est la fondation du Santa Fe Institute qui a été un peu le précurseur de beaucoup d'instituts de la complexité aux États-Unis, donc qui a rassemblé des physiciens venus de différents univers, enfin de la physique et puis des informaticiens, et qui ensuite a été, à l'origine aussi d'instituts des systèmes complexes à Paris et à Lyon, qui ont essayé de reprendre un peu le flambeau de Santa Fe. Je crois aussi que cette pensée pensée ou ces travaux pluridisciplinaires et métadisciplinaires sur les systèmes complexes naissent à un moment donné, donc fin des années 70, début des années 80, justement dans des groupes de scientifiques qui étaient déjà très pluridisciplinaires. On était à la fois sur des mathématiques des systèmes dynamiques, des mathématiques chaotiques, en même temps des physiciens nucléaires. Il y avait une espèce de volonté totipotente un peu de ces groupes de scientifiques qui cherchaient non seulement à établir une théorie du tout, mais à expliquer tout à travers justement ces passerelles interdisciplinaires, José Alois. Allez-y, Pablo Jensen et José Alois. Donc oui, peut-être pour compléter ce que je disais, c'est-à-dire on peut avoir deux volontés d'universalisation des savoirs. Un, c'est effectivement à la Weinberg, comme disait José tout à l'heure, c'est-à-dire on pose que tout se réduit à des particules élémentaires et on veut faire une théorie du tout à partir de ces particules-là. Ou alors on peut adopter une vision assez différente qui est celle de la cybernétique, en fait, hein, mais donc reprise par les systèmes complexes, et de dire, voilà, tout est à peu près, on peut le voir comme des entités en interaction qui font émerger des phénomènes complexes, et donc on va essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces objets-là et à formuler une théorie un peu générale, le plus générale possible de ces systèmes complexes, et avec des points positifs qui est effectivement faire travailler ensemble des gens de disciplines différentes et d'essayer de sortir un peu des ornières de chaque discipline, et en même temps des points de vigilance, parce qu'on a vite fait d'essayer de généraliser. On aime bien, surtout les physiciens, on aime bien généraliser. Et donc, des fois, ça peut se prêter à certains abus de généralisation. José Lois. Oui, c'est tout à fait. En fait, les systèmes complexes naissent au départ de la physique et de la physique mathématique dans l'idée qu'on observe toute une série de phénomènes qui présentent des structures régulières, mais qui ont l'air compliquées. Et il y a un côté, comme le souligne Pablo, un côté impérialiste de la physique à vouloir tout expliquer à partir des mêmes méthodes. Et vouloir tout unifier surtout. Exactement. Hein, réduire. Et donc chercher les lois universelles, si on peut trouver des lois universelles là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un domaine qui est très interdisciplinaire. Et donc les physiciens des systèmes complexes sont au contact de leurs collègues des autres disciplines, que ce soit les sciences sociales, la biologie, la chimie, etc. Donc ça, c'est intéressant de sortir un peu du carcan des lois fondamentales de la physique avec la mécanique quantique, la gravitation, la relativité générale. Donc ça, c'était un peu ce qu'on considérait comme le noyau dur de la physique, ce qui est important à la Weinberg. Mais je vous mets au défi d'expliquer une réaction chimique à partir de l'équation Schrödinger et une cellule à partir de l'équation Schrödinger. Donc il y a une sorte d'impossibilité. Et donc là, Anderson a raison de dire, mais non, il y a un phénomène d'émergence qui permet heureusement de se découpler de ces lois qui sont très importantes et qui sont évidemment très utiles puisqu'elles expliquent les niveaux inférieurs, mais qu'on ne va pas être obligé de faire appel à la gravitation ou à la mécanique quantique pour expliquer pourquoi un oiseau vole, une cellule bâtit un rythme biologique, etc. Donc ça, c'est très intéressant de se dire qu'il va y avoir ce découplage et on va pouvoir formuler d'une autre manière, qu'on peut voir avec quels ingrédients, qui va pouvoir des modèles simples. Il y a une volonté de simplicité chez le physicien, d'essayer d'avoir des modèles minimaux qui expliquent ce qui paraît compliqué. Oiseau, la grève. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20 sur France Culture. Nous parlons donc des systèmes complexes en compagnie de José Alois et de Pablo Jensen, qui est avec nous en duplex du bureau de Radio France à Lyon. Alors peut-être qu'on peut établir, compte tenu de la diversité des exemples ou des incarnations de ces systèmes complexes dans la nature, du microscopique au macroscopique, qu'est-ce que c'est que la définition exacte, José Alois, d'un système complexe? C'est quoi? Alors ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors moi, je donne une définition opératoire ou une recette de cuisine. En fait, un système complexe, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Ces éléments en interaction ces interactions sont régulées par des boucles de rétroaction qui sont positives ou négatives. Et le système présente aussi des fluctuations des fluctuations aléatoires. C'est-à-dire le rôle de l'aléatoire va jouer un rôle important, et cet aléatoire est aussi une conséquence du nombre d'éléments en interaction, ou du grand nombre d'éléments en interaction. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que ces boucles de rétroaction positives ou négatives, alors positives, ça veut dire c'est l'effet boule de neige, c'est un renforcement, c'est une amplification des fluctuations, justement. Négatives, ça veut dire c'est le frein, c'est-à-dire c'est ce qui va faire que la boule de neige va arrêter de grossir, c'est par par exemple, la pente, ça devient plat, donc elle roule moins vite, moins loin, y a moins de neige, etc. Donc il faut la combinaison des deux pour que le système tienne ensemble. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on définit un ensemble d'éléments, on va définir ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire il va y avoir les éléments qui appartiennent à cet ensemble et les éléments qui n'appartiennent pas à cet ensemble. Ça paraît trivial, évidemment, mais ça fait quelque chose qui est dedans et quelque chose qui est dehors. Et donc, il y a une sorte de limite à définir. Alors, ça peut paraître simple et intuitif pour des choses. Par exemple, si on regarde une bactérie ou une cellule, on se dit, ah ben voilà, c'est facile. La limite, c'est la membrane cellulaire. Et je définis mon système comme étant toute la cellule, y compris la membrane, et ce qui est dehors n'est pas la cellule. Alors, on peut descendre à l'échelle, on peut dire, oui, mais non, si je veux regarder comment apparaît un rythme biologique, eh bien, je vais définir l'ensemble des gènes qui contribuent à la formation de ce rythme biologique dans la cellule. Oui, mais là, c'est plus tous les gènes, c'est un sous-ensemble des gènes, et là, ça devient plus subtil de définir ce qui est dedans et dehors. Et donc, il y a toujours cette discussion, c'est définir les éléments, définir les interactions, et définir le système, qui parfois, c'est plus ou moins évident, et parfois, c'est pas du tout évident. Pablo Jensen, votre tentative de définition aussi de ces systèmes complexes, quel est le point commun qui unit, eh bien, voilà, une prolifération cellulaire, une nuée d'oiseaux et un mouvement de foule dans un stade? Alors, pour compléter ce que dit José, parce qu'effectivement, ça a fait couler beaucoup d'encre, et en fait, je pense que la tentative de définir un système complexe de manière ontologique, enfin, au sens de la substance, et c'est-à-dire il y aurait des systèmes qui seraient vraiment complexes par constitution et d'autres qui ne le seraient pas, peut-être que c'est plus fructueux, en fait, de s'intéresser à une approche complexe. C'est-à-dire que les objets qu'on regarde, ils sont ni simples ni complexes, c'est vraiment le regard qu'on va porter sur eux et la manière dont on va les approcher scientifiquement qui va définir, je pense, plutôt une approche complexe. Et l'approche complexe, c'est celle qui essaye de comprendre, contrôler, maîtriser. Bon, il y a beaucoup de facettes. En disant d'approcher scientifiquement un objet en le considérant comme si ses propriétés découlaient de l'interaction entre des entités, nombreuses entités qui ont certaines propriétés. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe en supposant que c'est l'émergence ou la combinaison de nombreuses entités en interaction qui va expliquer. Et donc, on va dire, la société, c'est ce qui émerge des interactions entre individus. Là, les entités, ce sont les individus. La forme des étourneaux, là, du vol des étourneaux, ça dépend des interactions entre les oiseaux. Et je vais définir comme entité les oiseaux. Et donc, vous voyez que ça vous donne une vision un peu différente, c'est-à-dire ça vous montre l'arbitraire ou la créativité selon comment on la regarde, du regard scientifique qui va devoir choisir les entités, comme disait José tout à l'heure, qui va devoir choisir les limites de votre système, qui va devoir essayer d'ajuster des interactions. Et donc il faut pas oublier cet aspect point de vue sur un système, en fait, parce que sinon ça veut dire que certains systèmes qui étaient considérés comme complexes avant, les gaz, maintenant sont considérés comme simples parce que les connaissances scientifiques ont avancé et donc on comprend un peu comment ça se passe. Et donc, je pense que l'approche en termes de regard scientifique et de type d'outils qu'on va utiliser pour essayer de les apprivoiser est intéressante aussi. Alors, je vous propose peut-être une autre ou une sorte de synthèse qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle d'Alain Barra du Centre de physique théorique de Marseille, et qui définit les systèmes complexes de la façon suivante. Un système composé d'un grand nombre d'éléments interagissant sans coordination centrale, sans plan établi par un architecte, et menant spontanément à l'émergence de structures complexes. Je vous propose cette définition-là parce qu'elle est synthétique et parce qu'elle met au centre la notion d'émergence, José Allois. Oui, tout à fait. Sauf que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Sauf que quand on se met, comme le souligne très bien Pablo, quand on se met à essayer de définir chaque terme, on s'enfonce, on creuse. Qu'est-ce que ça veut dire sans plan d'architecte? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait des systèmes avec plan d'architecte. C'est-à-dire sans. Non, j'ai bien compris. Concentration centrale, c'est-à-dire. Bien sûr, c'est bien sûr. Mais quand on essaye de définir ça, alors grand nombre d'éléments. Moi, j'ai fait des expériences avec 12 cafards. Où est le grand nombre? 12. Donc, vous voyez que chaque fois, alors, c'est mieux d'avoir l'approche recette de cuisine, comme je vous ai proposé, avec les ingrédients principaux, ou, comme le souligne Pablo, le point de vue. Parce que quand on essaye de définir auto-organisation, et vous pensez bien que j'ai essayé plusieurs fois d'écrire un texte qui définit auto-organisation, eh bien, on creuse. Et par exemple, moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas de plan établi. En fait, oui, certes, c'est une manière de dire, mais qui établit les plans et quels sont les systèmes naturels qui auraient des plans vraiment établi, je ne sais pas très bien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans ces systèmes, les éléments qui interagissent n'ont pas une information complète et globale sur ce qui se passe. Ils n'ont qu'une vue parcellaire de ce qui se passe. C'est-à-dire, on peut reprendre le banc de poissons. Le poisson, il voit ses voisins. Il voit pas tout le banc de poissons. Il sait pas combien il y a de poissons, etc., etc. Et évidemment, cette question ne se pose pas à l'échelle atomique et moléculaire de la physique et de la chimie, puisque là, évidemment, les molécules n'ont pas de vision complète de ce qui se passe. Néanmoins, dans un système complexe, les molécules, tout d'un coup, se mettent à produire des structures avec des corrélations, des milliards de molécules ensemble établissent des corrélations à longue portée qui font qu'à l'échelle macroscopique, à l'étage au-dessus, on voit une structure apparaître. L'étage du léopard, par exemple. Donc, l'approche complexe, c'est ça, c'est regarder quels sont les ingrédients en termes d'éléments d'interaction, de boucles de rétroaction qui pourraient expliquer de manière relativement simple les structures régulières qui apparaissent par le truchement des interactions entre tous ces éléments. Et peut-être pour compléter, disons, les définitions abstraites, effectivement, c'est un objet un peu fuyant, hein, c'est un peu comme à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un objet qui est un peu fuyant, parce que au fond, je me demande si c'est pas une sorte de concept parapluie qui sert à cacher beaucoup de choses de manière un peu floue pour permettre, en gros, des collaborations interdisciplinaires, ce qui est plutôt de bonne guerre, on va dire, et donc le concept lui-même est peut-être, disons, flou. Plus ou moins, disons, volontairement, quoi. Alors, peut-être qu'il faut donner des exemples précis et un des modèles les plus populaires, en tout cas, dans ce qu'on appelle les systèmes complexes sociaux, c'est-à-dire appliqués à cet objet que serait la société composée d'individus, nous vient de l'économie. Des années 70, donc Thomas Schelling est un économiste qui a eu le prix Nobel entre guillemets d'économie il y a quelques années. Il est décédé d'ailleurs l'année dernière ou il y a 2 ans, et il a montré un modèle qui montre bien cette idée d'émergence, c'est-à-dire que vous avez des individus, on va dire verts et rouges pour simplifier, dans une ville qui est comme un échiquier. Pensez à un échiquier avec quelques cases vides. Chaque case de l'échiquier est une maison. Je vous arrête juste un instant pour préciser que ce modèle de Thomas Schelling, c'était pour essayer de comprendre les mécaniques discriminatoires au sein de la société américaine et de comprendre comment s'organiser une société en fonction, justement, pendant ce mouvement des droits civiques et de revendication des droits civiques, une société multiple par rapport justement à ces critères de discrimination liés à l'ethnicité. Tout à fait, voilà. Et donc Schelling voulait comprendre ce phénomène de ségrégation globale, c'est-à-dire si vous regardez une carte d'une ville américaine, vous voyez que, et pas seulement américaine, mais vous voyez que les noirs sont dans certains quartiers, les blancs dans d'autres, etc. Et donc il voulait essayer de comprendre qu'est-ce qui mène à l'émergence de cette organisation globale et de cette ségrégation. Et donc il dit, voilà, on va essayer de faire un petit modèle simple. Et pour prendre, il y a plein de variantes de ce modèle-là, mais prenons-en un simple qui est chaque individu essaye de se trouver dans un voisinage mixte. C'est-à-dire, si on regarde sur un échiquier les 8 cases les plus proches, je vais essayer de me retrouver dans un voisinage où j'ai 4 voisins de ma couleur et 4 voisins de l'autre couleur. Supposons que les agents cherchent ça, d'accord? On se donne le comportement de l'entité. C'est ce qu'il faut à chaque fois dans les systèmes complexes. Et supposons que les agents soient au hasard au départ, et la dynamique est la suivante. Chaque jour, mettons, on choisit un agent au hasard, on lui propose une case vide, et cet agent-là va regarder la case qu'on lui propose, est-ce que ça se rapproche le plus possible de cette mixité qu'il cherche, d'accord? L'agent n'est pas content s'il est dans un environnement où tout le monde est comme lui, où tout le monde est différent de lui. Et en fait, naïvement, on s'attend à ce que, puisque chaque agent cherche à maximiser la mixité de son propre environnement, que progressivement le système arrive à une mixité assez forte. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que, en fait, à la fin de la simulation, si on fait tourner un petit programme avec ces quelques règles, en fait, on se retrouve avec un système complètement ségrégé, c'est-à-dire où vous avez tous les noirs d'un côté et tous les blancs de l'autre, alors que chaque individu ne fait que chercher la mixité. Donc, vous voyez, on a bien un effet d'émergence surprenante, a priori, donc d'un phénomène qui n'est pas du tout facile à anticiper, connaissant les caractéristiques des individus. Et ça, c'est un des modèles les plus frappants, on va dire, des modèles d'émergence sociale. Vous avez devancé un peu le programme, parce que je voulais évidemment qu'on arrive à ces questions et à l'application de ces modèles de systèmes complexes à la société et donc à des sociétés humaines. Mais on reviendra sur ces questions-là, non seulement dans quelques minutes, et puis j'aimerais qu'on revienne aussi à la base des premiers modèles qui fonctionne sur des entités type bancs de poissons, nuées d'oiseaux, pour comprendre, parce que si on comprend ce modèle-là, effectivement, ensuite, on peut peut-être comprendre les modèles supérieurs. Mais on va passer dans un désordre complexe, le plus complet, à un autre exemple, justement au niveau moléculaire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu, vous, à l'Institut Curie pour comprendre comment ces modèles mathématiques de systèmes complexes peuvent être appliqués à des cellules tumorales. Oui, et c'est Emmanuel Barillot, le chef de l'équipe INSERM, bioinformatique et biologie des systèmes du cancer à l'Institut Curie, qui m'a reçu. Avec son équipe, Emmanuel Barillot travaille entre autres sur des tumeurs du sein et des tumeurs pédiatriques, et ils essaient de comprendre la biologie des tumeurs cancéreuses dans leur complexité. Une tumeur, c'est le produit d'un grand nombre de cellules en interaction. Dans chaque cellule, un grand nombre de gènes et de protéines sont également en interaction. Par conséquent, les acteurs, entre guillemets, d'un cancer se comptent en dizaines de milliers, et l'approche réductionniste, qui consiste à prendre un système partie par partie, n'est plus vraiment opérante. C'est là qu'une approche complexe entre en jeu. Emmanuel Barillot essaie, grâce aux données générées par les techniques de séquençage et d'imagerie, de définir des grands axes d'analyse statistique et mathématique qui vont permettre de modéliser les cancers en tant que système complexe et de proposer des résultats aux spécialistes en oncologie pour mettre au point de nouvelles approches thérapeutiques. La complexité des cancers est assez variable. On peut la mesurer, par exemple, au nombre de mutations qu'on constate sur une tumeur. Et dans les cancers pédiatriques, on a, en règle générale, beaucoup moins de mutations que dans d'autres cancers. C'est lié au fait que ces cancers survenant tôt au cours de la vie, il y a moins eu le temps d'accumuler les mutations. Dans d'autres cancers qui sont très exposés au stress, le cancer, par exemple, du poumon lié au tabagisme, ou le cancer de la peau lié à l'exposition au soleil, par exemple, le nombre de mutations est au contraire très élevé et plus élevé que dans d'autres cancers adultes. Donc la complexité est assez variable. Ensuite, il y a une complexité au sein d'un même type de tumeur. Si on observe, par exemple, les tumeurs du sein en général, bien, elles se divisent en un grand nombre de sous-types qui sont en fait autant de maladies différentes. Ensuite, au niveau de chaque sous-type, chez différents patients, on aura des profils qui seront sans doute un peu semblables, mais aussi qui présenteront des caractéristiques personnelles. Et en fait, vous voyez que le cancer, c'est une maladie individuelle. Chaque personne a une seule maladie, d'où la complexité résultante extrême de cette pathologie. Comment modélisez-vous cette approche complexe et ce système complexe-là qu'est le cancer pour mieux le comprendre et mieux le combattre ? Alors, une façon de modéliser, c'est avant tout d'essayer de réduire le niveau de complexité auquel on fait face. Donc même si on ne peut pas reconstruire l'ensemble à partir de chacune des parties de façon simple, on peut, à partir d'une vision de l'ensemble, qu'on a aujourd'hui grâce en particulier aux techniques de séquençage par exemple, et aux techniques d'imagerie, essayer de trouver quels sont les grands axes qui sont importants pour cette tumeur. En général, pour une tumeur qu'on caractérise avec des dizaines de milliers de variables, on peut trouver une trentaine d'axes qui font du sens pour comprendre la tumeur. Typiquement, il y a plusieurs sortes de données. On commence par les données de morphologie, donc tout ce qui est imagerie de la tumeur, et aussi bien au niveau du tissu qu'au niveau de la cellule. Et ensuite, de plus en plus maintenant, y compris dans un contexte de soins, on établit le profil moléculaire de cette tumeur, c'est-à-dire qu'on séquence l'ADN de cette tumeur et on séquence l'ARN de cette tumeur. Ça veut dire qu'on a une vision des mutations génétiques que porte cette tumeur et de comment les gènes sont exprimés dans ce contexte muté. Est-ce que vous pourriez, par exemple, me décrire l'un des résultats auxquels vous êtes parvenu grâce à ces modélisations du système complexe qu'est le cancer, qu'est un cancer en particulier ? Oui, un exemple, c'est un travail qu'on vient de publier avec le docteur Delattre également de l'Institut Curie et André Zinoviev de mon équipe sur les sarcomes d'Ewing, qui sont des tumeurs pédiatriques et pour lesquelles on a pu mettre en évidence qu'en fonction du niveau d'expression du principal gène qui est impliqué dans ces sarcomes, donc l'oncogène à la base de ces sarcomes, eh bien, la réponse de la cellule tumorale peut être très différente. En particulier, on se rend compte que si on procède à l'intervention naturelle qui est de réduire le niveau d'activité de cet oncogène, qui est la responsable de la tumeur, on augmente le risque de migration et donc de métastase. Donc il y a ces résultats paradoxaux qui sont typiques des systèmes complexes qui nous ont permis de mettre en garde en fait, le corps médical sur ce risque dans le développement de nouveaux traitements. Quelle importance peuvent avoir ces recherches dans le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour le cancer ? Aujourd'hui, on est capable de caractériser une tumeur avec des dizaines, voire des centaines de milliers de variables qui touchent aux mutations des gènes, qui touchent à la morphologie du tissu tumoral, qui touchent à l'histoire du patient, à ses données aussi bien cliniques que ces données qu'on appelle de vie réelle, donc au suivi de son activité sportive, alimentaire, etc. Et l'ensemble forme un volume de données qui est absolument colossal Et on ne peut pas s'attaquer à ce type de volume de données avec une question aussi complexe que comprendre la biologie de la tumeur et comment optimiser une intervention thérapeutique si on n'a pas une approche qui intègre cette complexité. Vous évoquez justement cette quantité énorme de données. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette quantité de données qui peut être mobilisée pour une étude sur un cancer particulier? Comment vous travaillez au quotidien sur ces données-là et comment vous les digérez, interprétez? Aujourd'hui, à l'Institut Curie, on a une capacité de stockage qui est de l'ordre de 5 pétabytes, donc de 5000 terabytes. Et typiquement, une étude, même une étude très petite, enfin ou moyenne, ben, requiert de l'ordre de la centaine de terabytes de stockage de données. Ensuite, on a aussi besoin de capacités de calcul. Donc pour ça, on s'appuie sur le cluster de calcul qu'on dispose à Curie, qui compte aujourd'hui environ 4000 CPU. Alors, les modèles qu'on met en place et qu'on utilise sont basés sur un formalisme mathématique qui est bien sûr en rapport avec la complexité du sujet. Je dirais qu'il y a deux approches principales. La première, c'est si on comprend assez bien le réseau d'interaction qui gouverne la progression tumorale, alors on va faire un modèle mécanistique. Si on la comprend moins bien, en général, on se tourne vers des approches d'intelligence artificielle, de machine learning, des fois même de deep learning. À partir d'un prélèvement tumoral, comment se passe l'étude ? Alors, tout part effectivement du prélèvement tumoral. D'une part, on a besoin non pas d'un, mais en général de plusieurs centaines de prélèvements tumoraux pour avoir une vision suffisante de la complexité du problème. Ensuite, le prélèvement, il doit être caractérisé. Donc, il passe sur différentes plateformes technologiques pour déterminer, par exemple, les mutations génétiques, pour déterminer, par exemple, l'expression protéique, et ainsi de suite. En parallèle, on doit collecter les informations cliniques qui sont relatives à la tumeur et au patient. Quel traitement a-t-il été donné à ce patient? Quelle a été la survie sans progression, etc. Et in fine, à partir de cet élément, en discussion avec biologistes et cliniciens, on construit ensemble un modèle qui va donner les premiers résultats. Ces premiers résultats sont discutés et ça nous permet de revenir sur le modèle et de l'améliorer en fonction des retours des médecins et des cliniciens. Donc ce cercle vertueux nous permet in fine d'obtenir des résultats qui ont à la fois une pertinence biologique et clinique et une assise mathématique solide et donc une confiance dans le résultat qu'on a pu obtenir. Voilà le reportage du jour à l'Institut Curie, l'application de ces méthodologies de systèmes complexes aux cellules tumorales. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pablo Jensen ? On a clairement un système très, très complexe et je pense que toutes les armes, évidemment, contre le cancer qu'on pourra mobiliser sont les bienvenues. Mais ce que je voulais dire, ça me faisait penser justement à cette approche des systèmes complexes, si on la prend comme une approche plus ou moins fructueuse suivant les domaines, disons, c'est intéressant d'essayer de comprendre dans quelles conditions cette approche-là risque d'être fructueuse et dans quelles conditions ça peut être pas très efficace. Et pour aller vite, on y reviendra, je pense, c'est que ça a des chances de marcher quand les entités que vous regardez, c'est-à-dire dans lesquelles vous décomposez votre système et les interactions entre entités sont stables, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas trop du contexte et sont bien définies. C'est-à-dire que si la cellule, par exemple, commence, on a entendu la part des interactions, à changer, à muter, et donc vous êtes obligé constamment de redéfinir ce que les entités sont capables de faire, à ce moment-là, ça risque d'être vraiment très, très compliqué. José Aloy. Oui, je suis d'accord avec ça, mais la question de stabilité, c'est la question des échelles de temps. Et en fait, les systèmes complexes sont des systèmes multi-échelles, à la fois spatiales et temporelles. Donc, il faut regarder à la bonne échelle. Et ça, la question technique, c'est de se placer à la bonne échelle. Donc, on peut avoir un paramètre qui change au cours du temps, et à ce moment-là, on va dire, ben, le système n'est pas stable. Techniquement, on va dire, il n'est pas autonome, les équations ne sont pas autonomes. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut faire une hypothèse que, à une certaine échelle, il est suffisamment stable pour pouvoir le décrire. Donc là, ça c'est aussi une des méthodes mises en place par les gens qui travaillent sur les systèmes complexes, c'est à quelle échelle spatiale et à quelle échelle temporelle il est intéressant de se placer pour avoir une bonne description du système. Parce que si on regarde un animal et qu'on regarde à l'échelle évolutive, bah il varie tout le temps cet animal, il n'existe plus au bout d'un moment, c'est devenu autre chose. Donc mais cette échelle est longue par rapport à la vie quotidienne de l'animal. Donc si on regarde le banc de poisson à l'échelle de la vie du banc de poisson, eh ben on peut faire un modèle, on peut dire que c'est stable, mais le banc de poisson, il est pas stable à l'échelle de l'évolution. Or, c'est intéressant de voir aussi l'évolution biologique comme un phénomène d'auto-organisation. Et donc, les systèmes complexes, c'est pouvoir traverser toutes ces échelles différentes et se placer au bon endroit pour avoir la bonne description. Ça, c'est le talent des modélisateurs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous parlons donc des systèmes complexes, toujours en compagnie de José Allois, qui est professeur de physique et physicien au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'Université de Paris, et en duplex du bureau de Radio France à Lyon avec Pablo Jensen, qui est chercheur CNRS au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon et ex-directeur de l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Félix Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en dernière année entre l'Institut de physique théorique de Saclay et l'École normale supérieure de Paris. Vous travaillez sur prévoir l'évolution des populations dans les écosystèmes diversifiés. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Alors merci de l'invitation et de l'intérêt pour mon travail, ça fait super plaisir. Je suis effectivement en dernière année de doctorat que j'effectue avec Giulio Biroli dans les laboratoires de physique que vous avez mentionné. Mais moi, je fais de l'écologie. Alors, écologie, ça a un sens un peu plus précis que ce qu'on entend en général dans les médias. Pour moi, ça va être l'étude des différentes espèces biologiques, qu'elles soient animales, végétales ou autres. Et plus particulièrement, ces espèces, comment elles vont interagir entre elles et avec leur environnement. Ensuite, je fais de l'écologie théorique. Donc, je considère des modèles mathématiques. Un modèle de maths, on peut voir ça comme une sorte de grosse boîte noire. On fournit des informations en entrée et on récupère en sortie deux informations qui nous intéressent. Dans mon cas, ça va être de prévoir, comme ça a été dit précédemment, comment les populations des différentes espèces vont évoluer au cours du temps. Pour fixer un peu les idées, aujourd'hui, 19 février, je vais aller dans une parcelle de forêt dans les Vosges et je vais recenser 5 renards et 20 lapins. Ça va être ce que je vais donner en entrée à mon modèle. La sortie, c'est, si je reviens dans 6 mois, combien j'ai observé de lapins et de renards. Alors on considère que ce modèle, il est raisonnablement bien compris mathématiquement jusqu'à 6 ou 7 espèces, mais il se trouve que dans la plupart des écosystèmes autour de nous, il y en a beaucoup plus. Si on prend des cas extrêmes comme la forêt amazonienne, le plancton océanique ou le microbiote intestinal, on en compte facilement plusieurs milliers. Et ça rend le problème difficile. Dans ce contexte, nous on va arriver avec des outils de la physique statistique et de la théorie des systèmes complexes, donc le thème de l'émission d'aujourd'hui. Pour faire simple, il y a une particularité de ces théories qui est de considérer le grand nombre de paramètres comme un atout plutôt que comme un obstacle. Alors ça marche pas tout le temps, il faut que certaines conditions soient réunies, je vais les rappeler brièvement. Première condition, il faut qu'on puisse séparer le système en petits éléments simples, par exemple des atomes qu'on va considérer comme des billes. Deuxième condition, il faut qu'il y ait énormément de ces éléments. Si les deux conditions sont réunies, alors on peut faire des prédictions sur les comportements de l'ensemble. Moi, c'est exactement ce que je vais appliquer dans le contexte de l'écologie. Mes petits éléments simples, ce sera les espèces, et mon groupe, l'écosystème. Alors je ne vais pas pouvoir faire de prédictions fines du type « est-ce que la bactérie 43 sera toujours présente dans 6 mois ?» Ça, c'est trop détaillé. Par contre, je pourrais faire des prédictions sur l'écosystème dans son ensemble. Par exemple, combien d'espèces peuvent coexister dans un habitat donné? Ou si je perturbe mon écosystème avec le réchauffement climatique, avec l'introduction de nouveaux produits chimiques, quelle sera la réponse moyenne dans les populations? Pour finir, je voudrais insister un peu sur un aspect qui nous a beaucoup surpris ces dernières années, qui va rejoindre ce qu'on appellera les transitions de phase, dont il sera sujet un peu plus tard. On s'est rendu compte que les écosystèmes, on pense de manière générale qu'ils sont stables temporellement. C'est-à-dire que je revienne dans ma parcelle de forêt, dans 3 mois ou dans 6 mois, j'aurai à peu près le même nombre de lapins et de renards. Sur le papier, ça, on s'est rendu compte que c'était faux. Les écosystèmes sont des systèmes chaotiques. Donc ça aura plusieurs manifestations, notamment ici. Si j'isole ma parcelle, il ne se passe rien par rapport au monde extérieur. Je reviens dans 3 mois, l'espèce la plus abondante sera les lapins. Si je reviens dans 6 mois, ce sera peut-être les renards. Dans 1 an, ce sera les sangliers. En fait, il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. Alors ça, c'est sur le papier. On essaie de confronter ça à des expériences, notamment sur des plantes dans le sud-ouest ou des planctons océaniques à l'échelle mondiale. Mais ça a des implications assez profondes sur notre façon d'envisager les écosystèmes. Et notamment, si on essaie de les préserver, quelles actions à établir en priorité. Merci beaucoup Félix Roy pour cette présentation. Peut-être une réaction, José Allois, à ces travaux. Oui, ça c'est l'archétype des systèmes complexes. Historiquement, l'écologie théorique est évidemment un domaine qui a très fortement intéressé. Et c'est là où on voit que les méthodes ou les outils mis en place par la communauté des systèmes complexes sont très utiles. Et on peut répondre à des questions compliquées qui sont justement les questions écologiques, les questions de crise écologique, etc. Et comme on a une approche par définition multidisciplinaire, interdisciplinaire et aussi multi-échelle spatiale et temporelle, eh bien, on est capable d'essayer de fournir quand même des éléments de description qualitative et quantitative pour des phénomènes qui apparaissent extrêmement compliqués. Alors, c'est intéressant parce que c'est fin des années 80, à nouveau début des années 90, eh bien, il y a une transition des sciences où on a considéré que la Terre était un système. Et maintenant, on parle des sciences du système Terre. Et là, ça, c'est un des systèmes, le système qui a été discuté, c'est un des systèmes du système Terre. Et après, évidemment, le Graal, ce sera de connecter ce qui a été dit, ce que vous allez trouver dans votre thèse, avec les autres systèmes du système Terre. Alors, on va terminer par cette question du système Terre, puisque ça rejoint ce que disait tout à l'heure Pablo Jensen, de savoir justement quelle est l'échelle et physique et temporelle à laquelle on s'arrête pour étudier et pour décider finalement de la structure de ce système complexe. Mais Félix Roy m'a tendu, je le remercie, la perche pour parler tout de même de ces items importants que sont la transition de phase et la criticalité, c'est la question des lignes critiques. Est-ce qu'on peut revenir peut-être quelques instants avec vous deux, Pablo Jensen et José Alois, sur bien ce modèle initial, le modèle d'Aoki Cousin de 2002 sur les bancs de poissons, et expliquer comment, à partir de finalement cet exemple du banc de poissons ou de la nuée d'oiseaux, qui est l'exemple un peu iconique du système complexe, on a réussi à tirer finalement des lignes de physique statistique qui jouent justement autour de ces notions de transition de phase et de criticalité du système. Pablo Jensen. Alors, je vais laisser José, disons, qui est le spécialiste des insectes sociaux, disons, des animaux comme ça, disons, des sénuées, répondre. Je voudrais peut-être faire un métapoint sur ces, disons, et relier ça à ce qu'on a entendu sur le cancer aussi. J'ai l'impression qu'il y a deux types d'explications et d'approches au système complexe qui sont assez complémentaires. En fait, d'un côté, vous avez des modèles assez conceptuels, au sens où ça ne va pas s'appliquer spécifiquement à un objet précis. Donc, on avait l'exemple ici du chaos, où on voit que des écosystèmes, on va essayer de décrire des propriétés un peu génériques des écosystèmes, c'est-à-dire combien d'espèces vont coexister, mais sans être capable de dire laquelle, etc. Donc, on va avoir des sortes de modèles très génériques qui sont assez proches du point de vue du physicien, qui sont conceptuels, intéressants, parce que ça vous permet de mieux penser ou de moins mal penser, on va dire. C'est-à-dire, on a des intuitions, on a toujours des modèles plus ou moins intuitifs sur ce qui devrait se passer, et le fait de devoir être précis et de définir mathématiquement et de faire tourner des simulations, ça va nous aider à comprendre que des fois on se trompe. Et je donnais l'exemple de Schelling, on y reviendra, mais c'est pas grave. Vous voyez, on a un modèle intuitif qui vous dit que si tous les individus cherchent la mixité, eh bien globalement on va observer la mixité. Et donc ce modèle-là, il ne vous dit peut-être rien sur la réalité, mais il vous dit que vous pensez mal lorsque vous utilisez ce modèle intuitif. Donc ça, c'est une grande catégorie de modèles de système complexe. Et vous avez une autre catégorie qui est, elle essaye vraiment d'être fidèle à un objet spécifique. Et à ce moment-là, vous avez des gens à Toulouse, là, comme Guy Terolaz, qui essayent, qui vient de la biologie, lui. Et donc, lui, il est sensible à ces approches système complexe, mais il tient absolument à ce que quand vous modélisez telle espèce d'oiseau, eh bien, le modèle soit pertinent pour cette espèce d'oiseau-là. Et peut-être que ça ne sera pas pertinent pour une autre, et donc il faut que vous mettiez dans votre modèle les interactions que vous avez mesurées expérimentalement sur ce type d'oiseau ou sur ce type de poisson. Et à ce moment-là, les modèles, c'est presque de la logistique, si vous voulez. C'est-à-dire, vous devez combiner un grand nombre d'entités avec des interactions des fois très compliquées. Et le cas du cancer, on voit, c'était ça aussi. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est pour ça que, disons, l'ordinateur est un outil essentiel pour faire ça, et ça explique que, disons, les instituts des systèmes complexes et la complexité en général aient connu une sorte de deuxième jeunesse dans les années 90, quand l'explosion de la puissance de calcul des ordinateurs a permis de faire cette logistique sur des systèmes spécifiques. José Alois, justement, oui, si on prend la deuxième partie de cette répartition... Il y a deux, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Pablo dit, il y a deux types de questions qui sont toutes les deux légitimes. En fait, il y a la question du physicien qui va être « je veux un système le plus simple possible qui produit le plus de structures régulières possibles ». Donc la richesse face à la simplicité. Et donc le modèle de Thomas Witczek, qui a été repris ensuite par d'autres biologistes, c'est ça. C'est quelles sont les règles élémentaires que je vais mettre dans des objets qui vont se comporter comme des poissons. Par exemple, ils vont avoir tendance à aligner leur vecteur vitesse, c'est-à-dire aller dans la même direction. Il va y avoir néanmoins une fluctuation aléatoire sur ce vecteur vitesse, parce que, je l'avais dit, le rôle de l'aléatoire est très important dans les systèmes complexes. Et puis, ils vont pas se marcher sur les pieds, ils peuvent pas s'interpénétrer, donc il y a une zone d'exclusion, et ils vont être attirés les uns vers les autres. Voilà, avec des règles très simples, eh bien, si on fait varier un des paramètres de contrôle, par exemple... Donc, attraction, répulsion, alignement. Voilà. si on fait varier les trois paramètres. Tout à fait. Si on fait varier un des paramètres qui est encore le bruit, par exemple, sur ce vecteur vitesse, eh bien, on va observer des apparitions, disparitions, en fonction de ce paramètre, de structures. Et ces apparitions, disparitions vont être ce qu'on appelle une transition de phase. C'est-à-dire, on passe d'une structure à une autre, où des solutions apparaissent et disparaissent dans le modèle. Et ça, c'est ce qui intéresse le physicien, parce qu'il y a une certaine richesse. Alors, ce que dit Pablo, et ce que nous, on a fait aussi, c'est que ça ne décrit pas des questions biologiques. Ce sont des questions plutôt de physiciens. C'est intéressant. On a un modèle minimal. Il reproduit un grand nombre de choses. Mais le biologiste a d'autres questions. Et c'est ça qui est intéressant dans les systèmes complexes. C'est que la modélisation ne réduit pas le système. Il ne le simplifie pas. Il donne un aspect du système. Le biologiste aura des tas d'autres questions sur que perçoit le poisson, quelle est la physiologie, quel type de réseau de neurones il met en place, etc. etc. À quel stimulé il peut réagir. Mais ce qui est intéressant justement dans ces transitions de phase, et ce qui intéresse les physiciens pour le coup, et je vais ramener ça à vos travaux, José Alois, c'est la question de la criticalité, c'est-à-dire comment finalement très peu d'éléments pendant le groupe peuvent provoquer des transitions de phase et d'un seul coup avoir finalement la sensibilité à des variables ponctuelles pour l'ensemble du groupe, et c'est ce que vous avez produit notamment en travaillant sur des insectes robotisés. Vous pouvez nous raconter un peu tout à fait cela. Mais là, on a joué sur deux ingrédients qui sont très importants dans les systèmes complexes, c'est que en fait les interactions sont non linéaires et il y a des phénomènes d'amplification, des boucles de rétroaction positive d'amplification. Et si on combine les deux, c'est-à-dire l'effet non linéaire des effets seuil plus des phénomènes d'amplification, eh bien, on peut introduire un tout petit nombre d'éléments et avoir une transition de phase, c'est-à-dire voir le système changer d'état ou changer de structure. Et donc, on a parti dans l'autre sens, ça c'était les travaux pionniers de Jean-Louis Denebois à l'Université de Bruxelles, où lui, il s'est dit, tiens, mais si j'ai un modèle mathématique ou algorithmique d'un animal, ben c'est la variable XYZ, mais il n'y a rien qui dit que XYZ, c'est un poisson, ça peut très bien être un robot. Et donc, si je fabrique un robot qui met en œuvre cet algorithme, eh bien, j'aurai en partie des comportements similaires. Et puis, il s'est dit, si j'ai d'un côté le robot qui se comporte comme un cafard et de l'autre côté les cafards, si je les mets ensemble et que j'établis une interaction, une boucle de rétroaction, eh bien, ils vont participer, les petits robots, aux décisions collectives et aux choix collectifs qui sont faits. Mais comme nous, on a un contrôle plus facile sur les robots que sur les cafards jusqu'à présent, eh bien, on peut demander au robot de faire varier un paramètre et à ce moment-là, de faire faire au système un choix qu'il n'aurait pas fait en absence. Alors ça, c'est une expérience de physique assez compliquée qui consistait à faire varier un paramètre dans un système complexe et à faire apparaître une solution qui n'apparaît pas en l'absence de la manipulation. C'est un système de physique compliqué, mais qui arrive à des résultats éthologiques assez passionnants ou entomologiques, parce que vous pouvez réussir à faire du coup complètement varier le comportement d'un groupe ou d'une colonie à partir de quelques éléments, et même à aller à l'encontre finalement, parfois, non pas de l'intérêt du groupe, mais en tout cas de ce qu'il aurait pu décider en situation naturelle. Tout à fait. Là, on fait apparaître des solutions qui n'existent pas en absence de la manipulation. Mais on est très loin de quelque chose de très efficace. Il y a très peu d'exemples. Les laboratoires qui travaillent sur ces questions, c'est une poignée, on les compte sur les doigts d'une main. Donc, en fait, c'est très difficile de faire ça. Et surtout qu'encore une fois, le petit modèle cafard là, qui a été implémenté dans un robot, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que font ces animaux qui sont évidemment... Donc, c'est une réduction de ce qu'ils sont capables de faire. Une réduction physicienne typique. D'expérimentation, c'est la méthode théoretico-expérimentale. On fait un modèle, on expérimente. Mais évidemment, vous imaginez bien que faire ça avec des poissons, c'est déjà beaucoup plus compliqué. On a essayé, c'était très difficile. Et faire ça dans des poissons qui seraient dans leur milieu naturel, alors là, c'est encore autre chose. Donc, on n'est pas aussi avancé qu'on pourrait le croire. Et si je peux Pablo Jensen, bien sûr. Si je peux prolonger, disons moi qui ai beaucoup travaillé sur la modélisation des systèmes sociaux, on voit tout de suite que il y a derrière quand même ces idées de systèmes complexes, ces entités qui, dans le fond, sont assez simples en fait. On a besoin d'entités assez simples et assez stables, comme on le disait tout à l'heure, pour être capable de modéliser et d'appliquer tous ces modèles. On voit bien que ça, c'est une vision quand même assez particulière de la société. On pourrait imaginer d'étendre ce que fait José en mettant des robots dans la société humaine et en essayant de manipuler les gens pour les faire aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est une vision assez effrayante, évidemment. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez profond de cette vision des systèmes système complexe si on essaye de l'étendre aux systèmes sociaux sans trop prendre garde à la spécificité, parce que voilà, ça suppose une vision où les individus sont vraiment simples, ça donne une vision de surplomb de la société qu'on va essayer de contrôler et de manipuler. Et donc, en fait, politiquement, dès qu'on remplace les atomes ou les poissons par les humains, c'est une vision de manière assez inhérente, en fait, politiquement dangereuse. Oui, réductionniste et déterministe, mais néanmoins, Pablo Jensen, c'est vous qui dites que la structure même de la société semble répondre à la définition d'un système complexe. Et il y a tout de même, par exemple, on peut penser, on l'avait reçu ici aux travaux sur la fouloscopie de Mehdi Moussaïd, traite la foule vraiment comme un système complexe. C'est-à-dire que quelle est justement la bonne échelle, quelle est la limite qui puisse permettre d'appliquer ces modèles mathématiques complexes ou physiques, statistiques à des mouvements de foule sans pour autant que ce soit réductionniste de façon politique et donc éthiquement discutable. Pablo Jensen, est-ce qu'il y a une frontière qui était identifiée? On pourrait dire, oui, en première approximation, la frontière, c'est lorsque l'action humaine est suffisamment canalisée, c'est-à-dire simplifiée ou conduite, pour qu'on reste des entités relativement prévisibles. Donc les piétons, c'est clairement le cas. C'est-à-dire, si vous connaissez le point de départ et le point d'arrivée, parce que vous l'avez déterminé de manière par l'architecture ou par les hypothèses du modèle, à ce moment-là, le comportement du piéton, c'est en gros aller à la vitesse qu'il souhaite sans rentrer ni dans les murs ni dans les gens. Et donc ça, c'est assez facile à coder, on va dire. Et on est proche du banc de poisson, hein. Oui, enfin, oui, voilà. De facto, donc, si on réduit les paramètres... Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des situations où les humains se conduisent de manière pas plus compliquée que les poissons. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là, ce que fait Mehdi est tout à fait adapté et ça va bien marcher. Et c'est de la logistique qui peut être importante quand vous avez des grandes manifestations avec des dizaines de milliers de personnes pour, en gros, définir cette architecture justement qui va conduire à un écoulement, j'utilise à Essian le mot de physique, d'un écoulement des piétons relativement fluide en essayant d'éviter des catastrophes comme on en a vu par des mouvements de foule et de panique. Donc ça, c'est très important. Mais évidemment, les humains ne se réduisent pas à des choix aussi simples que éviter les murs ou éviter de rentrer dans les autres. Et donc, vous avez une sorte... Vous voyez, si vous essayez de trop simplifier les individus et pour pouvoir les maîtriser dans des modèles, ben vous leur interdisez justement de voir le global et de s'organiser politiquement. Et ça, vous voyez, dans les modèles qu'on a, les interactions entre humains ou les décisions des humains ou des fourmis ou des poissons sont toujours basées sur des règles très locales. C'est-à-dire, je regarde juste mon environnement, le poisson, il voit ses premiers voisins. Alors que dans les sociétés humaines, vous avez une spécificité qui est qu'on peut essayer de penser l'ordre global et la manière dont on veut s'organiser. Et ça, par construction, les modèles le rendent très difficile à penser. Et donc, vous mutilez, disons, le fait que l'homme est un animal politique, si vous voulez. Donc, c'est pas anodin. José Alois n'est pas tout à fait d'accord. Ce sera pour conclure, José Alois, en quelques mots. Je suis plus optimiste. En fait, ce qui se passe, si on revient rien qu'au cas des piétons, ce que dit Pablo est vrai, mais là, l'élément clé, c'est la densité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la densité de piétons augmente, la physique prend le pas sur le cerveau. Mais si on dilue la foule, à ce moment-là, le cerveau reprend ses droits et on a besoin d'autres modèles, c'est-à-dire on va tenir compte des capacités cognitives des individus. Et Guy Terolaz et dans leurs équipes font ça, c'est-à-dire à un moment, on peut faire des modèles où on a une certaine complexité au niveau des décisions des individus. C'est la même chose en éthologie, c'est-à-dire ni les cafards, ni les fourmis, ni les abeilles ne sont des êtres simples. Il se fait qu'on peut faire des modèles simples, mais ce ne sont pas des êtres simples, et les systèmes complexes sont des modèles, ce n'est pas l'ensemble du système. Merci beaucoup José Alois, je vous renvoie, on vient de poster sur le fil Twitter le lien vers l'émission avec Mehdi Moussaïd, justement où on parlait de cette modélisation des comportements de la foule. Merci en tout cas à tous les trois, merci José Alois, merci Pablo Jensen, merci Félix Roy d'être venu nous présenter vos travaux, merci à Claire Villoz pour le duplex du bureau de Radio France à Lyon, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Alexandra Delbault, Natacha Triou, Céline Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Laurence Malonda à la réalisation, Jean-Guy Lamège à la technique. Demain, Eureka, j'ai trouvé, c'est le cri scientifique, celui qui résume la découverte, l'illumination. Mais comment d'ailleurs naissent ces idées scientifiques? Comment sont-elles formulées? D'où vient la créativité dans les sciences? Nous allons tenter de répondre à cette question tout aussi complexe à 16h demain, jusqu'à preuve du contraire.